Jérémie chapitre 31. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi a dit l'Éternel, le peuple réchappé de l'épée, a trouvé grâce dans le désert, on va pour faire trouver du repos à Israël. L'Éternel m'est apparu de loin, et m'a dit, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma gratuité. Je t'établirai encore, et tu seras établi, ô Vierge d'Israël. Tu te pareras encore de tes tambours, et tu sortiras avec la danse des joueurs. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie, les vignerons les planteront, et ils en recueilleront les fruits pour leur usage. Car il y a un jour auquel les gardes crieront en la montagne d'Ephraïm, levez-vous, et montons en Sion vers l'Éternel, notre Dieu. Car ainsi a dit l'Éternel, réjouissez-vous avec chants de triomphe, et avec allégresse, à cause de Jacob, et vous égayez à cause du chef des nations, faites l'entendre, chantez des louanges, et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je m'en vais les faire venir du pays d'Aquilon, et je les rassemblerai du fond de la terre, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante, seront ensemble parmi eux, une grande assemblée retournera ici. Ils y seront allés en pleurant, mais je les ferai retourner avec des supplications, et je les conduirai au torrent d'eau, et par un droit chemin, auquel ils ne broncheront point, car j'ai été pour père à Israël, et Ephraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel, et l'annoncez aux îles éloignées, et dites, celui qui a dispersé Israël, le rassemblera, et le gardera comme un berger garde son troupeau. Car l'Éternel a racheté Jacob, et l'a retiré de la main d'un ennemi plus fort que lui. Ils viendront donc, et se réjouiront avec chants de triomphe au lieu le plus haut de Sion, et ils accourront au bien de l'Éternel, au froment, au vin et à l'huile, et aux fruits du gros et du menu bétail, et leur âme sera comme un jardin plein de fontaines, et ils ne seront plus dans l'ennui. Alors la Vierge se réjouira en la danse, et les jeunes gens et les anciens ensemble, et je tournerai leur deuil en joie, et je les consolerai, et les réjouirai, les délivrant de leur douleur. Je rassasirai aussi de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple sera rassasié de mon bien, dit l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, une voix très amère de lamentation et de pleurs a été ouïe à Rama, Rachel, pleurant ses enfants, a refusé d'être consolée touchant ses enfants, de ce qu'il n'y en a plus. Ainsi a dit l'Éternel, empêche ta voix de lamenter, et tes yeux de verser des larmes, car ton œuvre aura son salaire, dit l'Éternel, et on retournera du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour tes derniers jours, dit l'Éternel, et tes enfants retourneront en leur quartier. J'ai très bien mouillé Ephraïm se plaignant, et disant, tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un taureau indompté, convertis-moi, et je serai converti, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Certes, après que j'aurai été converti, je me repentirai, et après que je me serai reconnu, je frapperai sur ma cuisse. J'ai été honteux et confus, parce que j'ai porté l'opprobre de ma jeunesse. Ephraïm ne m'a-t-il pas été un cher enfant, ne m'a-t-il pas été un enfant que j'ai aimé? Car toutes les fois que j'ai parlé de lui, je n'ai pas manqué de m'en souvenir avec tendresse, c'est pourquoi mes entrailles se sont émues à cause de lui, et j'aurai certainement pitié de lui, dit l'Éternel. Dresse-toi des indices sur les chemins, et fais des monceaux de pierres, prends garde au chemin, et par quelle voie tu es venu. Retourne-t'en, Vierge d'Israël, retourne à tes villes. Jusqu'à quand seras-tu agitée, fille rebelle? Car l'Éternel a créé une chose nouvelle sur la terre, la femme environnera l'homme. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on dira encore cette parole-ci, dans le pays de Juda et dans ses villes, quand j'aurai ramené leurs captifs, l'Éternel te bénisse, ô agréable demeure de la justice, montagne de sainteté. Et Juda et toutes ses villes ensemble, les laboureurs, et ceux qui marchent avec les troupeaux, habiteront en elles. Car j'ai enivré l'âme altérée par le travail, et j'ai rempli toute âme qui languissait. C'est pourquoi je me suis réveillé, et j'ai regardé, et mon sommeil m'a été doux. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, que j'ensemencerai la maison d'Israël, et la maison de Juda, de semences d'hommes et de semences de bêtes. Et il arrivera que comme j'ai veillé sur eux pour arracher et démolir, pour détruire, pour perdre et pour faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là on ne dira plus, les pères ont mangé le verju, et les dents des enfants en sont agacées. Mais chacun mourra pour son iniquité, tout homme qui mangera le verju, ses dents en seront agacées. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël, et avec la maison de Juda. Non selon l'alliance que je traitais avec leur père, au jour que je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, laquelle alliance ils ont enfreinte, et toutefois je leur avais été pour mari, dit l'Éternel. Car c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Chacun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, parce que je pardonnerai leur iniquité, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi a dit l'Éternel, qui donne le soleil pour être la lumière du jour, et le règlement de la lune, et des étoiles pour être la lumière de la nuit, qui fend la mer, et les flots en bruit, duquel le nom est l'Éternel des armées. Si jamais ces règlements disparaissent de devant moi, dit l'Éternel, aussi la race d'Israël cessera d'être à jamais une nation devant moi. Ainsi a dit l'Éternel, si les cieux se peuvent mesurer par-dessus, et les fondements de la terre sondés par-dessous, aussi rejetterai-je toute la race d'Israël, à cause de toutes les choses qu'ils ont faites, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, que cette ville sera rebâtie à l'Éternel, depuis la tour d'Ananéel jusqu'à la porte du coin. Et encore le cordeau à mesurer sera tiré vis-à-vis d'elle, sur la colline de Gareb, et fera le tour vers Goa. Et toute la vallée de la voirie et des cendres, et tout le quartier jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'au coin de la porte des chevaux vers l'Orient, sera une sainteté à l'Éternel, et ne sera plus démolie, ni détruite à jamais.